sans cesse. Bring it up, princess. Toi, ma petite altesse. Ma petite tigresse. Bring it up, princess. Ton amour, ta tendresse. À ta scélératesse. Bring it up, princess. À nos nuits pécheresses, à tes seins, à tes fesses. Oui, c'est toi, princesse. Oui, c'est toi, ma maîtresse. Tu es ma doctoresse. Oui, c'est toi, princesse. Tu es ma forteresse. Ma si jolie duchesse, princesse, ma petite prêtresse, à nos soirées d'ivresse, princesse, nos réveils en détresse, à nos soirées pince-fesses, princesse. À nos soirées kermesse, à nos douces promesses, princesse, promesses de noblesse, nos rêves de richesse, princesse, promesses de sagesse. Mes peurs, mes faiblesses. Prêtez-toi, princesse. À ta joie, ma tristesse. J'ai perdu ma jeunesse. Prêtez-toi, princesse. J'ai perdu ton adresse. À toi sans cesse. Prêtez-toi, princesse.